Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission audio que vous entendez. On est ravis de vous retrouver. Je dis nous parce que nous sommes quatre personnes. On va d'abord se présenter et vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on réalise ce podcast. Donc avec moi, autour de la table dématérialisée, il y a May. Salut. Il y a Chapi, le père Chapi. Ah bonsoir. Il y a Kilvan. Bonsoir. Et il y a moi-même, bonsoir. Alors, on crée un petit pilote sur un format podcast, tout simplement parce que d'abord, on avait envie de se retrouver tous ensemble pour discuter de sujets. Et puis, je trouvais que c'était intéressant à la fois de partager ces conversations et que vous nous donniez également votre avis. Donc, chaque mois, on a décidé que ce serait une fois par mois. On va essayer de se tenir à un planning qui fait qu'on va mettre un podcast le premier de chaque mois en ligne. Si tant est que ce premier pilote est un succès qui mérite une suite, ou en tout cas qu'on ait des retours encourageants. Voilà, on va essayer de faire ça une fois par mois avec une discussion sur une thématique dans une première partie et puis après on se fait un tour de table sur des sujets qui nous font réagir. Donc on va dans un deuxième temps laisser la parole à chacun aussi pour qu'il puisse donner un sujet dont il veut parler. Voilà, donc comme vous l'avez vu, nous sommes quatre. On va voir si le format va évoluer, on va voir si l'équipe va évoluer. Aujourd'hui, c'est un premier tour de chauffe pour voir si le format est agréable à écouter. J'allais dire à regarder, tellement l'habitude de faire les vidéos, mais non, on va juste regarder. Enfin, quoique la post-prod sur YouTube va peut-être faire le travail, je ne sais pas, on va voir. Mais voilà, l'important c'est que vous preniez du plaisir à écouter ce podcast et que nous aussi on prenne du plaisir évidemment à le faire. Ça rappellera pour certains une période d'un site sombre il y a quelques années. Alors, on va donc commencer la première partie de ce podcast avec une thématique que m'a soufflé le père Chapi. Père Chapi. Ouais, ou Chapi, hein, on peut faire oui, après oui, le oui, père. Hein, on dirait que je suis un daron, alors c'est pas vrai. De la ah non, j'allais dire de la Sainte Église, tu vois. De la Sainte Église du. Ah, après, du on peut, oui, je peux. Ouais. Le mec se communautarise dès la troisième minute de vidéo. Ça, oui. c'est bienvenue à tous incroyable. Les catholiques, bien évidemment. Alors donc la thématique aujourd'hui, c'est grosso modo pourquoi est-ce que des fans deviennent-ils fous à l'annonce d'un jeu vidéo quand on voit seulement des extraits, voire même pas d'images sur un jeu. C'est une thématique qu'on a choisie aussi parce qu'elle résonne par rapport à l'actualité vu que l'E3 a eu lieu récemment. Et c'est vrai que depuis maintenant de nombreuses années, hein, qu'on voit à chaque fois les annonces et les présentations sur la scène, il y a un engouement qui est absolument incroyable à la fois sur place et sur les réseaux sociaux, sur les sites de news. Et du coup, ça méritait qu'on s'y intéresse un peu et qu'on prenne quelques exemples également pour essayer d'étayer ce propos. Donc, on va partir dans un premier temps avec une tentative de réponse à cette question et on va laisser la parole, une fois n'est pas coutume, aux femmes évidemment, puisque nous sommes un podcast progressiste et c'est May qui va lancer les hostilités. Alors qu'est-ce que tu c'est penses trop de d'honneur. Ah non mais c'est fou. Alors May, dis-nous qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves pas ça un peu démesuré que l'attente qui est autour de ces jeux? Alors oui et non, parce que dans le sens où en fait je suis un peu dans ce cas-là, si tu veux, c'est les réactions c'est clairement du fanboyisme, hein, faut pas se le cacher. Perso, quand tu vois, il y a quelques mois de ça, le logo de Metroid qui a été juste affiché et ça a pris même pas 2 secondes. Moi, j'étais une vraie folle en chaleur. Hein. Ah, c'est vrai. Ah oui, non, mais j'ai hurlé, j'ai envoyé un message à mon petit frère parce qu'il kiffe la licence, mais par contre, il m'a fait, ouais, super, OSF. Donc, je suis trop bien. Mais sur ce côté-là, c'est clairement du fanboyisme. Alors que j'ai jamais fait un seul Metroid de ma vie, mais cette licence, je l'adore tellement. Donc tu dis, t'attends un opus depuis des années, t'es là, tu supplies, tu dis, s'il vous plaît, faites-en, et on sort ça. Juste le logo, ça fait son affaire, quoi. Et du coup, t'as jamais joué à un Metroid, et du coup, tu... Jamais, j'adore regarder. Je regarde tout le temps et tout, j'aime bien le jeu, mais alors après, y jouer, non. Mais dire qu'il y en a un nouveau, ça me sauce de ouf, quoi. Ah ouais, attends, c'est incroyable quand même, parce que du coup, t'aurais au moins des souvenirs des souvenirs de jeu ou de la nostalgie par rapport à quelque chose, je veux bien, tu vois. Mais après, ouais, c'est ça. C'est bon. Là aussi, on fait appel à une notion qui fait que on peut rien. Hein, c'est la foi, quoi. Tu vois, c'est ça. Pas besoin de s'expliquer. Et ça ne peut pas se raisonner, quoi. Mais c'est l'exemple de Metroid est bon, hein, parce que c'est vrai que moi, c'est typiquement le genre d'annonce. Il y avait aussi Capcom qui avait fait ça avec Darkstalker en mettant juste un écran. Et c'est vrai que mais tout le monde devient dingue. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, moins t'en montres, plus tout le monde devient dingue. C'est assez, assez... C'est le truc, c'est, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, il y aura quoi dans celui-là, tu vois, c'est l'inattendu, en même temps tu veux tout savoir, mais le fait de rien savoir, ça te met un peu en transe, tu vois, tu te dis, il va y avoir un truc, on te tend une carotte en fait, tu vois, tu sais que ça va être une carotte, tu vas attendre longtemps, mais tu bouffes du truc, quoi, t'en redemandes. Comme t'es vraiment à fond sur un truc, tu demandes que ça, quoi. Ah oui, attendre longtemps, ça, c'est sûr qu'on peut en discuter. Bon, je voulais pas parler. Bon, ça pourrait même faire une autre vidéo, je pense. Hein. Ouais, parce que je voulais pas parler tout de suite de Final Fantasy VII Remake, mais. Ah oui, non, mais c'est vrai que. Enfin, moi, après, voilà, j'en ai discuté avec Chappie il y a quelques jours, justement, parce que c'était un des exemples qui m'avait. Sur lequel j'avais vraiment tilté de suite. Et. Chapi, du coup, comprenait pas que les gens soient saucés à ce point-là. Et moi, c'est vrai que bah, c'est comme toi, Maya, pour Final Fantasy VII Remake. Quand j'ai vu ce trailer, mais je te jure, j'ai une larme qui a coulé à la fin, quoi. C'était incroyable. Je revois ce trailer d'année en année, parce qu'évidemment, on attend le jeu depuis 3 ans, là, pour l'instant. Et c'est pareil, moi, c'est un jeu. Alors, après, je sais que je vais être déçu. C'est obligatoire. Mais. De voir qu'il y avait encore un espoir de revivre quelque chose qui sera impossible à revivre, bah moi ça m'a donné des émotions. Alors qu'on sait très bien que oui, on va jamais revivre ce qu'on a déjà vécu. Ça, ah c'est, bah non, c'est un peu mort. Bah oui, non mais j'ai envie d'y croire quelque part. Je sais que c'est impossible. Moi aussi pour ça, mais je suis réaliste en même temps, tu vois, à ce niveau-là. Ouais. Et vous les gars, du coup, est-ce que vous avez aussi des trucs qui vous ont fait le même effet? Tu peux prendre la parole, Chapi. Oui, vas-y, s'il te plaît. Alors moi, je nuance ça. Moi, je pense que c'est le fait que les gens, en fait, prennent du plaisir à regarder juste un trailer ou même juste un logo. Je pense que c'est plus vrai avec un trailer. C'est en fait, c'est l'évolution logique, en fait, du jeu vidéo qu'on a depuis. J'ai envie de dire depuis l'époque de la PlayStation, puisqu'en fait, depuis l'époque de la PlayStation, en fait, on a toujours via des cinématiques en pré-rendu, en fait, on nous a toujours proposé en fait des choses qui étaient inatteignables graphiquement à un moment donné. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, un trailer, en fait, dès la PlayStation 1 où on avait les 7 cinématiques moches toutes lisses, et ben en fait, on était impressionné parce qu'en fait, tu voyais un truc qui, dans la génération actuelle, sera pas atteignable. Je peux comprendre qu'en fait que sur un trailer, un simple trailer, en fait, ça porte toute l'espérance que t'as pour une génération de consoles, ou soit une génération de consoles, soit une série de jeux, quoi, que tu connais, parce que même si c'est pas, c'est très bien que le jeu n'aura pas la tête du trailer que tu viens de regarder, bah tu sais que là on t'a montré des images en fait un peu plus appliquées que ce qui est possible normalement. Pour mettre en scène en fait ton jeu que t'aimes bien, quoi. Alors ça, c'est vrai que par contre ça a été un gros problème aussi pour pas mal de jeux, hein, de montrer des démos graphiques qui tournent sur PC et quand tu te retrouves avec le jeu sur ta console, ça n'a rien à voir. Enfin franchement, j'ai pas d'exemple là qui me. Bon, je prends Watch Dogs, enfin ouais, des voilà, jeux récents, t'as Watch Dogs, ouais. T'as Witcher 3, enfin t'as des jeux, oui. Voilà. Moi je parlais vraiment plus, je parlais plus vraiment le côté trailer plus que le côté démo du jeu, parce qu'à la limite, c'est un autre problème en fait. Si on te montre un jeu et que finalement il se retrouve downgrade 3 ans après, comme The Witcher par exemple, pour moi c'est pas le même problème que vraiment les gens qui s'enjaillent devant un trailer, quoi. Parce que par exemple, du coup tu as donné mon exemple du coup de Final Fantasy VII. Le trailer, peu importe ce que sera le jeu, bah ça enlèvera rien à la qualité de ce trailer au final. La justification de son existence, c'est juste en fait de réveiller la flamme de certains joueurs en fait sur ce jeu-là. Peu importe que ce soit un truc irréalisable, peu importe que ce soit quelque chose qui n'a rien à voir avec le produit final. Le but, c'est vraiment de cinématiser un peu de cinématiser voilà le jeu vidéo quoi. Ah ouais, mais après donc, Final 7 c'est un peu un exemple à part aussi parce que c'est un jeu qui a mis au qui a mis des joueurs au RPG mais une génération entière. Enfin, oui, c'est sûr. Ouais. Ce jeu, c'est pour ça que c'est un très bon exemple parce qu'on voit quand on voit ce quand on parle de ce trailer là, tout le monde voit je pense tout le monde voit vraiment ouais, le façon, je vais mettre des images là pendant que ça. Ouais, parce que le temps le c'est vrai qu'on en parle mais c'est clair que celui-là, on comprend bien que on peut comprendre plus facilement sur celui-là que les gens s'enjaillent en gros devant juste la scène cinématique que devant, je sais pas, une scène cinématique en pré-rendu d'un Tomb Raider, quoi. Enfin, du dernier Tomb Raider qui peut être un très bon jeu, mais quand tu vois que bon, c'est un jeu qui sort tous les ans. Enfin, Tomb Raider c'est un mauvais exemple, il sort tous les 3 ans à peu près. Mais je sais pas, Assassin's Creed, il montre une scène cinématique en pré-rendu qui est pas avec le moteur du jeu de l'environnement dans lequel se passe le nouvel Assassin's Creed. Bah genre à l'E3, les gens hurlent alors que tu dis ouais mais les gars, enfin c'est un jeu que vous achetez tous les ans, ça va être plus ou moins le même avec un nouveau skin par-dessus. Enfin calmez-vous. Mais pourtant moi je peux comprendre parce que si c'est vraiment quelque chose qui te si c'est vraiment un jeu qui te parle en fait, c'est super quoi de voir ça. Après pour juste le logo, par contre, c'est vrai que juste le logo en mode ce jeu existe, moi ça m'attire pas du tout parce que tant que j'ai pas vu même un visuel mytho, je me dis que ça peut passer à la trappe. Ça peut passer à la trappe surtout dans le monde du jeu vidéo actuel où il y a des jeux qui se font annuler. C'est quand même c'est beaucoup plus probable qu'avant, parce qu'avant en fait c'est même pas, enfin je pense qu'ils étaient autant annulés avant mais on n'avait pas la com qu'on a maintenant quoi. Ah oui, ça, c'est genre, t'as l'impression que maintenant t'as l'impression ils peuvent engloutir je sais pas 2 mois de com, en fait ils en ont rien à foutre d'avoir perdu cet argent là ils peuvent annuler le jeu quoi. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Mais oui non mais c'est ça aussi que, enfin moi j'ai une théorie là dessus sur parce que donc il y a différentes présentations, t'as vraiment même on l'a vu à l'E3, là, t'as des jeux où déjà t'as un vrai trailer et après t'as du gameplay en plus qui est montré. Donc après tu sais que même si, voilà, en effet, ça va peut-être pas être le jeu pur et dur visuellement, tu sais au moins à quoi t'attendre dans le style, quoi. T'as au moins un point de vue et c'est déjà ça. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression que moins on t'en montre, plus la série doit être forte. Mythologiquement, tu vois, pour attirer les gens, quoi. Je veux dire, un Metroid, ça, voilà, c'était un bon exemple de May. Metroid, c'est le genre de jeu, t'as pas forcément à montrer du gameplay tout de suite, quoi. Parce que c'est tellement connu, c'est tellement puissant dans l'univers du jeu vidéo que ça passe, quoi. Même Final 7, tu vois, ils auraient pas montré d'image, ils auraient juste mis un truc, un logo, Final Fantasy 7, Remake, Soon, un truc comme ça. Mais les gens seraient devenus quand même dingues, enfin, vraiment dingo. Et du coup, là, bon, on a de l'espoir parce qu'on a vu des jolis graphismes qui va faire que le jeu va avoir besoin de 12 CD, mais c'est, voilà, je pense que la puissance de la licence, c'est un facteur qui est vachement important dans la découverte du jeu, quoi, et son annonce. Chapi, as-tu quelque chose à... Ah, bah moi, je vais vous rentrer parce que moi, l'explication que j'ai pour pourquoi c'est ces trailers, ils hypent tout le monde les gens, bah, c'est qu'un trailer, c'est avant tout un produit commercial. Et donc, quand aujourd'hui, je vous donne l'exemple tout bête, hein, Bethesda, ils ont fait un petit trailer sur leur moteur de rendu 3D préféré qui s'appelle Elder Scrolls 6. Ouais. Là, hein, ils ont mis 30 secondes, t'as une caméra de haut, voilà, petite baie, y a rien. Hein. Y a juste une vidéo en 3D avec un rendu à la con. Là, je vois sur JV.com, ils ont fait voter des gens pour les jeux réussis de l'E3. Elder Scrolls est passé 4e position quand même. C'est-à-dire que les gens n'ont rien vu. Oh, mais déjà, pour eux, c'est le meilleur jeu de l'E3. Et Bethesda, ils ont gagné. Parce qu'ils ont déjà pré-vendu leurs deux. Parce que le jeu, aujourd'hui, il est en préco sur Amazon. Tu peux déjà le préco. Ah bah bien sûr. Si tu veux les trailers ou même un asset simple d'un jeu ou un titre, etc., c'est du pognon. Aujourd'hui, quand Metroid, le 3 dernier, il a été présenté et qu'ils l'ont sorti, l'action Nintendo, elle a monté derrière. Ah ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gens qui l'attendent, etc., que ben, d'un point de vue boursier, eh ben, il y a un impact. Là, il y a quelque chose qui a moins été vu chez nous, mais quand Dragon Quest 11 a été annoncé au Japon, je t'explique même pas la vague de préco qu'ils ont eu. Ça a dû être fou. C'est un truc complètement massif, complètement dingue. Il faut savoir qu'une préco au Japon, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'annulation. Généralement, c'est acheté. Donc, un éditeur sait déjà combien il va rentrer. Alors que le jeu, ça se trouve, ils ont même pas commencé ou ils ont juste fait des préparations de moteur, etc. Donc, en gros, quand ils font des trailers, quand ils font une annonce, tout est calculé, tout est prévu pour que ça crée de la hype, pour que tu puisses vendre le truc derrière et puis pour que tu puisses commencer à ramasser, à rentrer de l'argent bien là. Quoi. Parce que, dites-vous bien un truc, aujourd'hui, un jeu vidéo, aujourd'hui, ça coûte masse de fric. Tu parlais de Final Fantasy VII, je veux pas être méchant, mais j'ai quand même très très peur du résultat. Ça fait 3 ans qu'ils bossent dessus, voire 4. Ils ont viré toute l'équipe actuelle. Parce que le rendu qu'ils ont. Ils l'ont recommencé deux fois, ouais. Ils l'ont recommencé déjà deux fois. T'imagines quand même que quelque part, il y a un moment, les actionnaires, ils vont dire, vous êtes bien gentils, les gars, mais vous le sortir, votre jeu. Parce que, faut qu'on rentre de l'argent, quoi. Rappelez-vous, MGS5, hein, Kojima s'est barré, parce que c'était aussi, coup de baseball qu'ils avaient, notamment avec, avec Konami, parce que Konami disait, ton jeu, t'es bien gentil, mais ça devrait être l'infini, quoi. Je veux dire, tu peux pas mettre 25 ans à le faire. Nous, on a mis de l'argent sur la table, maintenant, on en veut pour notre argent, quoi. Donc, voilà, les trailers, c'est avant tout fait pour, de toute façon, hyper les gens pour, derrière, avoir des recombées économiques. Parce que, quelque part, quand tu appelles Microsoft et que, en gros, t'es gagnant de l'E3, eh ben, ça veut dire, quelque part, que t'as de la hype, que t'as des gens qui vont commencer à s'intéresser à toi si c'est pas déjà fait et qui, potentiellement, vont acheter des consoles et des jeux vidéo qui vont être derrière. Alors, du coup, c'est, voilà. c'est vrai que c'est intéressant, ce... Bah, ouais, c'est clair que c'est intéressant, parce que moi, j'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est vrai que si tu, ça te permet, en fait, si tu penses qu'en fait, que ça leur permet de se faire une idée, en fait, de combien ils vont amasser en thunes, alors que le truc n'est pas forcément ni, enfin, peut-être, j'irai pas jusqu'à dire commencer, mais n'est pas forcément, dans la phase mature du développement, bah peut-être que du coup, s'ils voient que finalement tout le monde s'en fout, ils vont peut-être un peu cuter des trucs ou sauver les meubles. Quoi. C'est exactement ça en fait. Ça leur permet un petit peu. Alors typiquement sur ce 3 cette année, il y a Cyberpunk 2077 qui a été présenté par les Project. Mais il faut pas se leurrer. Évidemment, le jeu était attendu. Tout attendait d'avoir quelque chose. Et les mecs, ils en pouvaient plus. En plus d'avoir eu un trailer, les mecs, ils ont quasiment eu une démo d'une heure du jeu. Donc, sachant que la démo du jeu, elle était fermée, personne n'a pu prendre de vidéo, il y a quasiment rien qui avait pu être fuité, mais tu vois bien que la hype, elle a été créée. Là, maintenant, ils se disent, putain, le jeu a l'air trop bien. Bah voilà, maintenant tu sais que le jeu, il est déjà vendu, quoi. Donc, c'est leur projet, ils ont fait des projets. Ils partent d'un jeu qui a quand même fait une entrée fracassante dans le monde du jeu vidéo. Enfin, je veux dire, The Witcher 1 et 2, on connaissait, mais quand The Witcher 3 est sorti, enfin, ils ont déjà eu la barre super haut. Voilà. Voilà. Bon, pour info, Cyberpunk 2077, c'est ça le nom, Cyberpunk, c'est ça. Ouais. Faut savoir quand même qu'ils ont annoncé sur quoi le PC tournait. C'est un i9 avec un SSD 2080. Ouais, ce qui correspond à quoi? Parce que je connais pas. Alors, ce qui correspond absolument à aucune console du marché aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire, aucune console actuellement est capable de faire. Une 1080 Ti, ça vaut à peu près 500. Quoi. Donc tu l'entends, mais deux, c'est déjà quasiment 1000€ de carte graphique, et un i9, ça vaut un bras aussi. Donc faut un PC qui vaut l'équivalent de plusieurs PS4. Quoi. C'est un PC qui doit tourner autour... Ah, excuse-moi, Chapi, ça a coupé, t'as dit combien? À peu près 2000€, je dirais, à mon avis, pour faire tourner le jeu. Ce serait plus un truc soit pour une PS4 Pro, soit pour la console d'après. Quoi. Même pas, à mon avis, elle va être downgradée à fond. Je veux dire, peut-être la One X pourra le faire tourner... avec peut-être en mieux, mais aujourd'hui, c'est clairement pour potentiellement de la PS5, voire de la génération après. Ah ouais, c'est triste, ça. D'accord. C'est ça. Donc, ou alors, ça va être un jeu qui, avant tout, va être sur PC, et voilà, les gens riches pourront l'avoir, quoi. Ouais, merde. On sait jamais. Après, le truc qu'il faut prendre en compte aussi dans ce genre de révélation de jeu aussi, c'est que quand tu regardes ton stream, enfin, déjà, les gens qui sont présents là-bas, ils vivent une réalité qui est vachement différente de la nôtre. Enfin, je veux dire, nous, on regarde notre stream peinard dans notre canapé. Quand t'es dans les événements, enfin, je sais pas, vous avez tous fait le Stunfest ici, je sais plus, toi, Chapin, hein, je pense. Non, moi non. Ouais, non, voilà. Moi, j'ai vu le 26 de Daigo contre. en direct. Donc, en direct, ça fait quelque chose quand même. Voilà, c'est clair. Quand t'es dans l'événement, je veux dire, même moi, SF5, je m'en bats la race, mais quand t'as les finales là-bas et que t'es le dimanche et que voilà, t'es avec tout le monde, t'es obligé d'être pris dedans. Je veux dire, faut être con pour. On n'est pas des blocs de glace, tu vois. Ouais. Et même, je sais pas, tu vois, même le reveal de Fallout, moi, j'en ai rien à foutre du jeu, mais je pense que j'aurais été là-bas. Voilà. L'effet boule de neige, tu peux pas te dire, bah putain, non, c'est bon. Pourquoi tout le monde s'enjaille comme ça? Pourquoi? Mais ouais, bah, à moins que tu bosses chez Gamekult. Oui, non, mais. Ah, shots fire, hein. Je tape dans les parties sensibles, je suis désolé. Ouais, mais... ouais, là, tu tapes dans le porte-monnaie et Gamekult, tout est là. Tout est. Non, mais après, je suis enjaillé moi aussi, hein. Enfin, je vais dire, j'adore. Oh, ouais, je follow 76, je me dis putain, ouais, j'ai envie de le faire. Bon, ils ont commencé à dire que c'était un hype potentiellement du MMO, donc là, j'ai commencé un peu à vomir. Mais oui, bien sûr, t'as des licences qui te font rêver, quoi. Tu me sors un Yakuza 7. Les Yakuza, en fait, me font systématiquement cet effet-là. Ah ouais, ouais, typiquement. Ouais. Trailer de 10 secondes sur Yakuza, je me dis putain, c'est hype, c'est bon, il me le faut, quoi. Y a pas. Après, les. Bon, voilà, on va pas faire, non plus faire les vieux comptes. On sait que le jeu vidéo, il a vachement changé, qu'on n'est plus à l'époque où on regardait nos magazines pour savoir. Enfin, on avait une vieille photo du jeu qui allait sortir dans 2 mois et on savait même pas ce que c'était. Mais c'est vrai que du coup, enfin, aujourd'hui, de toute façon, on est clairement dans la société de l'émotion, quoi. Enfin, je veux dire, t'as plus le droit d'analyser les choses, quoi. C'est, tu vois, il se passe un truc. Il faut tout de suite réagir, il faut tout de suite que tu ressentes quelque chose. C'est obligatoire. Enfin, t'as pas le droit t'as pas le droit d'avoir de la distance par rapport aux événements aujourd'hui, quoi. Et du coup, c'est vrai que ces annonces de jeux vidéo, mais ça participe, enfin, ça mise tellement là-dessus, quoi. Tu sais que le mec, il va présenter son jeu, mais dans la minute qui suit, tout le monde va en parler sur Twitter ou Facebook, quoi. Enfin, je veux dire, c'est obligatoire. Les gens ont besoin de. Enfin, je pense que du coup, vu que. On a un peu de mal à communiquer entre nous, tu vois. On déverse d'autant plus facilement notre avis sur les réseaux sociaux, quoi. Et c'est vrai qu'il suffit juste d'une annonce et tu sais que t'as 20 000 gars qui vont mettre direct leur avis sur Twitter. Avant, tu gardais tout pour toi, tu sais. T'étais juste content, t'attendais le jeu qui sort. t'étais peur, tu dis putain, il va être bien celui-là, j'ai l'impression. Tu voyais la photo en 144p, tu sais, il y avait 4 pixels. Mais c'est dingue, hein. C'est comme les news quand tu regardes le JT, quoi, tu vois. Les mecs ils font des micro-trottoirs, ils prennent des gens dans la rue et tu sais, on demande l'émotion immédiate des gens, quoi. Enfin, alors que les mecs ils savent pas quoi répondre, tu vois. Et nous c'est. Ouais. Je pense qu'on laisse trop de temps à ça. Je pense qu'aujourd'hui, faut dire, enfin, moi perso, toutes les tubes de notes de jeu, plus du tout. Je regarde le jeu, une sauce, je le prends, je m'en fous. Peut-être qu'il aura peut-être 6 sur 20, ce sera 12. Mais trop longtemps maintenant, il y a des jeux que les gens estiment moyens, que je trouvais très sympa, et que j'ai pris du plaisir à le faire, et puis terminé. Ouais, mais toi t'es riche, c'est pour ça, tu peux te permettre de tu peux prendre des 6 sur 20, quoi, tu vois. Moi je peux pas. Bah, c'est vrai. Non, non, non, mais voilà, quoi. May, tu veux rajouter quelque chose, peut-être? Tu t'emballes sur des trucs, t'as un espoir, et puis en fait au final moi je trouve que c'est cool de voir ça, mais après je sais que t'as aucune information qui va arriver derrière pendant au moins un max de temps. Bah, tu sais, c'est comme un soufflet qui monte. Ouais, c'est vrai que ça, c'est putain, t'en as pas parlé, mais ça c'est clair que c'est chiant. Et c'est exactement ça, et en fait la sensation que ça me laisse derrière, c'est comme je sais pas si vous voyez dans South Park, quand ils sont là et qu'ils vont, ils voient, il y a la bande-annonce du deuxième film de Terrence et Philippe, Les Culs de Feu 2. Ouais. Et ben, personne n'aura la référence. Mais... c'est trop ça, où ils sont là, ils se retrouvent tous chez Stan ou Cartman, je sais plus, pour voir la bande-annonce à la télé. Et c'est là, Terrence, Philippe, Les Culs de Feu 2, bientôt. Et c'est voilà, tout. Bientôt, fin. Voilà. C'est exactement ça, ouais. Putain, merde. Et après, bah, en fait, c'est ça. Et au final, même si t'es heureux de voir un truc, bah, c'est cette sensation qui te reste derrière, quoi. C'est juste un peu foireux. Ouais, après, c'est pour ça d'ailleurs que Nintendo s'est fait un peu casser la gueule cette année à l'E3. Parce que bon, on passera les 25 minutes de masturbation. On a Smash qui n'est même pas un nouveau jeu. Voilà, qui n'est même pas un nouveau jeu. Mais du coup, ils n'ont absolument pas parlé de Metroid. Ils n'ont pas parlé du tout, même pas abordé le sujet. Même pas Yoshi. Vous êtes quand même des connards, parce que l'année dernière, vous nous présentiez juste un screenshot de votre titre, c'est cool. Mais cette année, vous en parlez pas. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, mon gars, que ton jeu, tu l'auras pas cette année, tu l'auras pas l'année prochaine, tu l'auras potentiellement en 2020, mais pas avant. Après ça, ouais, ça, je suis moyennement d'accord, parce que Nintendo, ils ont tendance quand même à donner de la com sur leur jeu quand il est pas loin de la sortie. Donc, Enfin, c'est rare qu'on ait eu un jeu Nintendo annoncé et que 6 mois après, il n'était pas sorti. Hein. De récente mémoire. Donc potentiellement, rien te dit qu'il sortira pas en 2019 comme le reste. Hein. C'est vrai qu'ils communiquent beaucoup, il y a beaucoup de Nintendo Direct et tout, donc ça se trouve, il y aura Ouais, c'est vrai qu'ils ont leurs événements aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, Smash, tu vois, ça, je comprends la hype, même si j'aime pas trop les party games, quoi. C'est-à-dire que le truc, c'est que le jeu, la communauté l'a fait vivre contre vents et marées. Enfin, je crois que c'est le jeu qui a été le plus défendu par ses joueurs, mais j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est quand même... Surtout le mêlée, ouais. Voilà, ouais. C'est quand même hallucinant. Tout le monde se rappelle que Nintendo avait voulu fermer le stream de l'Evo sur Smash parce qu'il voulait pas qu'on diffuse du contenu d'un jeu Nintendo. Et les joueurs ont dû se battre contre ça pour pouvoir amener leur jeu à quand même la plus grande compétition de jeux vidéo. Enfin, de jeux de baston, il a fait le deuxième plus grand nombre, enfin le plus grand deuxième oui. grand plus grand nombre de spectateurs. Ah non mais c'était fou. En plus, franchement c'était fou, quoi. Et du coup voilà, les mecs ils luttent contre tout, même contre l'éditeur pour faire vivre leur jeu. Et là du coup Nintendo il a compris finalement que il y avait un intérêt, parce que j'ai cru voir que Nintendo comprenait là qu'il y avait un petit billet à faire sur l'image e-sport, où ils veulent pas employer e-sport pour l'instant. Ils parlent de compétitif, tu vois, mais tu vois bien. Non, mais il y a, en fait, Nintendo, ils ont un gros problème de. En fait, si tu veux, c'est que dans la maison mère Nintendo, en fait, aujourd'hui, la boîte est coupée en deux. T'as les anciens qui veulent garder une console de jeux vidéo sans online, tu vois, enfin, genre en mode console de famille terminée, quoi. Et t'as une autre partie qui est beaucoup plus jeune, qui veulent se diriger vers du Fortnite, et trucs comme ça, en fait, du jeu plutôt orienté multi, avec une console plus puissante. Et t'as vraiment deux écoles à l'intérieur, ils se foutent sur la gueule en permanence. C'est pour ça que d'ailleurs que la console, elle a un peu des fois le cul entre deux chaises, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Mm-hmm. Ça, du coup, ouais, c'est vrai que ça m'étonne pas. Mais bon, voilà, du coup, ouais, c'est ce genre d'annonce. On parle ici. Après, c'est vrai que Smash, en plus, c'est la licence qui regroupe tous les personnages qu'on aime chez Nintendo. Donc, forcément, faut pas non plus chercher midi à 14h pour savoir que ça enjaille un maximum de joueurs. C'est ce que je te disais, c'est du business. Oui, bah oui. Smash est déjà prévendu sur Switch, quoi. C'est terminé, c'est quoi. Clair. Ah oui, non, ça c'est. Tout... Ah oui, Moi, bizarrement, toi, par rapport à vous, enfin, je sais pas si vous avez tous tapé par le Smash, moi, ça m'a complètement saoulé, en fait. Parce qu'en fait, moi, je fais partie des connards qui ont acheté la Wii U. Je l'ai acheté peut-être 3 ou 4 mois après sa sortie. Ouais. Et en fait, oui, bah, désolé, hein. Ouais, t'as senti le ton dans ma voix, là. Et en gros, j'ai le Smash Bros Wii U. Déjà, le Smash Bros Wii U, à l'époque, j'avais un peu regretté de l'acheter parce que bon, au final, le online est un peu pourri. Et puis, bon, quand tu vieillis tranquillement, faire des après-midi Smash, c'est un peu moins, t'en fais un peu moins souvent. Et là, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, qu'ils me revendent le même jeu, en fait. C'est très désagréable. C'est comme à l'époque, ils ont toujours fait ça, Nintendo. Genre par exemple, ils nous vendaient nos jeux Super Nintendo et nous les revendaient sur GBA. Oui, bien sûr. Nos jeux 64, ils nous les revendaient sur DS et ainsi de suite. Mais là, du coup, quand même, de deux consoles, enfin un truc d'un nouveau jeu HD qui était déjà sur la Wii U, ils te ressortent le même avec la pilule. On te met la connasse de Splatoon et on te met enfin Ridley parce que t'as fini par craquer. Bah moi j'ai quand même l'impression de me faire enfler, quoi, parce que déjà Mario Kart 8 c'est quasiment le même jeu, ils ont mis deux circuits, un suppo et dodo, et bah là c'est un peu la même chose, quoi. C'est genre, en gros, on est allé chercher notre modèle de Solid Snake qui était sur un moteur GameCube qu'on a HDifié pour la version Wii U. On l'a fait coder en deux après-midi par un stagiaire, histoire que ça tourne correctement, et puis voilà, quoi. Donc moi je trouve que, enfin moi je comprends pas du tout la hype de ce jeu-là. Moi, enfin, ok, on est content, c'est un Smash Bros, c'est machin, c'est ceci, mais enfin au bout d'un moment, les gens devraient se rendre compte que là, enfin c'est pas du tout un nouveau jeu, et donc du coup en fait Nintendo n'avait strictement rien à proposer à cette 3. Il y avait aucun nouveau jeu. Alors moi, même celui-là, pour moi, c'en est pas un, tu vois. J'ai envie de dire, ça fait 25 ans que Nintendo ne propose plus rien, mais me dire que j'abuse. Mais bon, après, voilà, je vais éviter de raconter des choses aussi vraies. Pour moi, c'est vrai. Hein, c'est-à-dire, tout le monde attend le nouveau Metroid, tout le monde attend le nouveau Zelda, le nouveau Mario Kart. C'est tout le temps les mêmes jeux. On sait très bien on connaît très bien les jeux sur lesquels les consoles Nintendo marchent depuis. depuis la Nintendo 64, même la Super Nintendo. Bref, ça, ça changera pas. Mais voilà. Ah ouais, il y a aussi l'annonce de Kingdom Hearts 3. Alors ça, je... Ah je... Alors franchement, bon, ah. Moi, je m'en bats la race de Disney, mais alors quelque chose de... d'assez vénère, donc ça me touche pas du tout. Mais c'est pareil, j'ai vu que ça avait créé de l'émotion, hein, quand même, ce troisième épisode... Alors je sais pas. Depuis le temps qu'il doit sortir. Ah ouais. Bah, moi je l'attendais plus, mais alors moi le truc qui m'a impressionné, c'est à quel point en fait les graphismes en fait n'ont absolument aucun aliasing et en fait les personnages Disney sont vraiment intégrés dans le jeu comme si c'était vraiment un court métrage du dessin animé Disney ou Pixar en question quoi. Ça m'a bluffé quoi. Tu regardes les personnages de la Reine des Neiges à côté des mecs de Wreck-It Ralph, à côté de réponse, enfin, t'as vraiment l'impression de regarder un passage de réponse, un passage de la Reine des Neiges et un passage de Wreck-It Ralph. C'est donc je pense que ça, déjà, bon, c'était un peu une arlésienne parce qu'on nous avait déjà montré ça fait combien, ça fait 4 ans qu'on nous a montré du gameplay de ce jeu au moins. Je crois qu'il était prévu sur la Play 3 il était déjà annoncé sur Play 3 si je dis pas de conneries, après je me trompe peut-être, hein, j'ai pas avancé, mais ça fait des tellement longtemps qu'en fait qu'on n'avait pas d'image du jeu que là en fait on se retrouve devant le jeu, on vous le montre en mode il existe, en plus regardez il est même jouable et en plus de ça bah le rendu est bien, bah du coup le rendu est vraiment super super fidèle aux licences Disney, je pense que ça a impressionné tout le monde quoi. Après celui-là, je peux comprendre que si vu que c'est une série qui malgré tout reste une série de niche, je peux comprendre que quelqu'un comme toi qui en a rien à secouer de la licence, ça t'a fait ni chaud ni froid quoi. Ouais, non mais c'est vrai, c'est dommage, mais bon, après voilà, on n'aime pas tous les jeux hein, forcément. Mais, ouais, c'est normal. Hein. Mais alors, après le truc de cette licence aussi, c'est que tu vois le 3, ça fait tellement longtemps que les gens l'attendent, mais en même temps ils ont patienté avec des versions 1.5, 1.8, il y a tellement de genre en fait de cette licence là que enfin moi perso c'est ça qui fait que je m'y intéresse pas quoi. Ah ouais, je savais même pas qu'ils avaient fait des... Bah t'as le 1, le 2, après t'as le 1.5, le 2.5, le 2.8, une version sur 3DS, une version PSP... Non mais... enfin voilà, il y a un manque de respect, quoi. Ouais, c'est limite, il n'y a pas une version Flashlight, quoi. Enfin, c'est vraiment là. Là, on est rendu très très loin, là. Ah c'est ouais, abusé. Tu sais pas où t'en es, en fait. Ah non, c'est abusé. Donc, du coup, c'est un peu dur. Il y a des gens, ils demandent par quel Kingdom Hearts je dois commencer pour bien faire le truc dans l'ordre. Alors, attends, faut voir la chronologie, parce que t'en as, il faut partir avant. Mais ceux qui sont partis après doivent passer avant. C'est complètement chelou, en fait. Ah ouais, t'as des réquels, quoi, tu vois. Des reboots. Mais non, mais c'est. Non, et en plus, c'est ça revient à se manger. Enfin, si tu veux, si t'as hypé par le 3 et que tu veux le faire aujourd'hui, t'es foutu. Hein. Parce que ça veut dire que tu dois te manger l'équivalent de 5 Assassin's Creed d'affilée, tu vois. Ah ouais, parce que les Kingdom Hearts sont à peu près tous les mêmes malgré tout. Hein. C'est des bons jeux, mais s'ils sortaient tous les 5 ans, il y avait une raison. Quoi. Ça reste quand même répétitif. Et si tu dois binger les 4 jeux prérequis pour faire celui-là, bah ouais, bon c'est courage. Un peu comme les Persona, quoi. Et encore Persona, tu peux les faire indépendamment les uns des autres encore. Oui, je veux dire la formule est bonne, mais tu peux pas t'en enfiler deux de suite, quoi. C'est pas possible. Ah, si t'en fais deux de suite, c'est non, c'est cash. Hein. C'est pire que ça, en fait. Le problème, vu qu'ils ont pris un mangaka sous Exta pour faire l'histoire, quoi. si tu veux, au départ, quand t'as des mecs qui jouaient, en fait, une version alternative. Son cœur était impur, c'est fini quoi. Enfin, genre, personne ne comprend rien à l'histoire en fait. Donc tu joues juste parce que c'est un action RPG avec des personnages Disney et c'est qui coup, ça pète de partout, c'est bien fait et c'est sympa quoi. Mais enfin, l'histoire, je crois que j'avais vu sur Twitter un gars qui avait essayé de retracer l'histoire des personnages, mais c'est juste n'importe quoi. Enfin, les feux de l'amour à côté, c'est simple quoi. Ouais, c'est dur à suivre si tu les as pas tous faits, ouais, c'est sûr. Donc tu peux pas acheter le 3 direct, tu vas rien comprendre quoi. Enfin, t'es obligé d'avoir fait les autres avant. Ouais, ça par contre, c'est pas un... enfin bon, après on va pas non plus parler de des optiques marketing des jeux, mais c'est vrai que c'est enfin Final, c'était bien dans ce sens-là, tu vois, tu pouvais en faire un, tu t'en foutais, tu savais que l'autre il avait rien à voir, mais alors là c'est vrai. Que... Ouais, si tu dois te faire les 3 ou 4 avant, c'est quand même compliqué quoi. Non, c'est pour ça, je suis peu convaincu de son succès de celui-là. On verra. Je pense que ça fait trop longtemps qu'ils sont sortis et je pense pas qu'ils arriveront à gagner des nouveaux joueurs dessus. Ouais, je vous dis, je vous le signe d'entrée, il cartonnera au Japon. Ah bah oui, par contre, au Japon, il cartonnera. Enfin, même cartonnera automatiquement. Je pense que tous ceux qui ont fait les précédents vont l'acheter. Moi, le premier. Mais je pense pas qu'il y aura des nouveaux joueurs sur cette licence-là. Non. Je pense pas, parce que maintenant, elle est trop vieille. Il y a eu trop d'écarts. Parce que si je dis pas de conneries, le 2, qui est celui qui est juste avant celui-là, chronologiquement, dans l'histoire. Non, d'ailleurs, c'est faux, il y a celui de 3DS. Mais celui sur PS2, il est de 2005, non? Quelque chose comme ça? 2005, tout à fait, j'en regarde. Voilà, j'ai piffé, mais je suis pas mauvais. Donc, il a 13 ans, le bordel. Enfin, c'est cuit, quoi. Les joueurs d'il y a 13 ans, enfin, voilà, quoi. C'est un peu bien, ils l'attendent encore. Ouais. Bah, c'est comme les joueurs de Pokémon, c'est des vieux jeunes. Voilà. Bon, bah, du coup, ouais, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette première partie. Ça fait une demi-heure. Et on va passer du coup à la deuxième. Alors, la deuxième, comme je l'ai annoncé en début dans le sommaire, c'est un point de tour de table où on va parler d'un sujet pendant quelques instants. On va faire un sujet chacun. Chaque chroniqueur va choisir un sujet qui lui tenait à cœur et sur lequel on peut réagir, évidemment. C'est ouvert à tous. Et du coup, on va se faire ce tour de table avec des sujets plus rapides. Et on va commencer cette fois-ci à l'inverse avec Kilvan. Tiens, donne-nous à manger. Pourquoi ? Tant de haine. Pourtant, moi, j'ai été gentil jusque-là, quand même. Ouais, non, ça a été soft. C'est parce que c'est le pilote. Après, tu vas voir quand tu vas te lâcher. Ah, ça, non, bah, après, l'alcool le kick et après, c'est fini. On sait très bien comment ça marche, quoi. Exactement. Mais du coup, tu voulais parler de quoi? Donc, je présente mon sujet. Allez, vas-y. Alors mon sujet c'est ça recoupe un peu ce qu'on vient de parler, mais c'est en gros c'est les arlésiennes dans le jeu vidéo. Ah il y a de la matière là, ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire même quasiment un sujet de première partie. Voilà, ouais. Donc du coup je me dis qu'on pourrait peut-être le garder, mais je peux en parler juste 5 minutes sur mon ressenti vis-à-vis des arlésiennes. Une préquelle. Alors, une préquelle, ouais, voilà, exactement. Non, mais je voulais parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet que je trouve ça se généralise. De plus en plus, en fait, les Arlésiennes avec un système en fait qui était censé les empêcher. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une flopée de jeux qui sont sortis et qui ont eu une idée magnifique, c'est de faire ce qu'on appelle le financement participatif. Et il faut savoir que il y a plus de la moitié des financements participatifs de jeux vidéo qui se transforment en gros en arnaque. Total, et le jeu ne voit jamais le jour. Ah ouais. Et en fait, je trouve que c'est vraiment paradoxal de dire qu'en fait, les gros éditeurs de jeux se font gueuler dessus parce que, en gros, leurs jeux sont pas prêts, ils ont des trucs trop ambitieux et ils mettent 10 ans à sortir, en gros, un jeu type, par exemple, bon, le dernier en date que j'ai enfin, je pensais pas que j'allais pouvoir y jouer dans ma vie, c'était The Last Guardian. Ouais. Genre un jeu comme The Last Guardian, ok, il a mis 10 ans à se faire, etc. Mais au final, bah, je pense que tous ceux qui l'ont fait ont quand même pris leur pied. Et à côté de ça, tu donnes volontairement ton pognon pour pour avoir une merde en pixel art. Et cette merde en pixel art finalement ne sort jamais. Alors, bah, ouais, bon, moi je vais pas réagir là-dessus parce que j'ai le même avis. Tu es trop d'accord. Non, voilà, moi c'était ça mon sujet. Moi j'aimerais bien. Non, mais c'est vrai que la facilité avec laquelle des studios dont on n'a jamais entendu parler ni d'Eve ni d'Adam sont capables de récupérer des sommes incroyables sur la base de simples screenshots. Hein. C'est quand même voir d'une idée. Oui. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, moi j'aurais bien aimé faire un petit tour de table sur ça du coup. Oui. Non mais c'est vrai que c'est une question. Alors moi bon, j'ai un exemple comme ça là qui me vient qui s'appelle Mighty No. 9. je sais pas pourquoi il vient de popper. Je ne sais pas pourquoi. Absolument pas. Je sais même pas. Eh, franchement, je viens juste d'y penser là. Tu vois, au moins. Pour être franc, voilà, on ne s'est pas consulté sur les sujets que l'un et l'autre allaient proposer. Donc on ne sait pas. Mais voilà, c'est vrai que même Mighty No. 9, ça a été, pour moi, ça a été un passage, quoi. Je veux dire, il s'est passé quelque chose là. Quand un jeu est capable de... C'est combien ? Je sais plus, 4 millions, un truc comme ça qu'il a... Bah, il a eu 4 ou 5 fois la cible. Ouais. Et donc la cible, ça devait être 500 000, donc ouais, ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Ouais, non, c'est, ouais, je pense qu'on est, on est entre 3 et 4 millions, je crois que c'est ça. Et quand tu vois le résultat, et quand tu vois le temps d'attente et le résultat, mais c'est complètement fou. Et là, pareil encore, hein, c'est comme le premier sujet, c'est sur la base d'une promesse, quoi. Bah, c'est une super opération marketing. Ah ouais, voilà. Non, mais c'est le plus technique, le plus pur, quoi, tu vois. Ah bah C'est la promesse et la non-délivrance dans le contenu de la promesse, quoi. C'est incroyable. Mais après, bon, voilà, ouais, ça, c'est vrai qu'on peut discuter longtemps comment dire, du jeu vidéo participatif. Moi, il y a des entreprises enfin, dont j'ai vachement confiance. Par exemple, là, je sais qu'il y a Blasphemous. C'est un jeu indé qui va sortir, là, qui est un style un peu Castlevania, C'est un Castlevania, mais à l'ancienne, du mais coup. très Pas dark. le Metroidvania, du coup, Voilà, mais le c'est ça. Castlevania. Un vrai Castlevania. Ouais, il a l'air vraiment bien, celui-là. Ouais, Mais les vrais ouais, Castlevania, voilà. Les mecs, les mecs, ils ont proposé vachement de contenu pendant leur campagne. Enfin, tu voyais que le truc était solide. Faut dire, il y avait du taf qui était montré, quoi. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien. Enfin, tu vois, même, c'est vrai que filer 20 euros, pourquoi pas, si tu peux. Moi, je dis, de toute façon, tu peux dépenser ton argent. Du moment que tu l'as, tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Il n'y a pas de. Oh, c'est chacun fait ce qu'il veut avec sa Voilà, il thune, n'y a ça pas de c'est clair et souci. net, hein. Mais c'est vrai que, voilà, quand tu commences à voir qu'il y a des mois qui doivent être consacrés au développement et que ça avance et que tu n'as pas de news ou que tu te retrouves 3 mois après et que tu entends que les gars sont toujours dans la phase de développement. Enfin, c'est vrai que ce genre d'Arlésienne, ça fait quand même bader quand tu as mis ton argent. On est d'accord. Après, voilà, généralement, les jeux indés, tu as le coup de cœur graphique. Hein, généralement, c'est comme ça que ça se joue. Enfin, je Un sais peu pas. comme chez Mou 3, quoi, tu vois, t'as un caractère. T'as le Alors, plus graphique. on avait dit pas les mamans, Chapine. Celui-là, c'est interdit. On n'en parle pas. Alors moi, je ne connais pas du tout Shenmue ni son histoire, donc je suis insensible Bah, à écoute, mec, moi, quand il est premier screenshot, j'ai fait, ouais, super, ça a son Dreamcast HD, quoi. On était là. Ah, moi, j'ai rigolé C'est aussi. ça. J'avoue, j'ai rigolé. Mais comme J'ai vu il a sur parlé Twitter. de trucs spécialisés, c'est Shenmue qui est arrivé en tête, en fait, tu vois. mon Dieu, quoi. Je pense que Shenmue, ça va être le pire fistfuck de la Terre. Hein. Je pense que Mais pour un Shenmue, jeu. Bah, on peut parler rapidement de Shenmue. Shenmue, faut savoir qu'ils ont commencé, ils ont dit, ouais, on veut 200 000, on lance le projet. Ils ont eu 500 000. Ils ont fait, ouais, bon, les gars, quand même, ouais, mais il va manquer un peu pognon, il nous faut 2 millions, tu vois. Bah, ils en ont eu 4. Et maintenant, ils commencent à dire un délire, genre, ouais, mais pour faire un vrai open world, comme il faudrait 20 millions. Enfin, ils vont continuer comme ça, et je pense qu'on va les retrouver aux Caraïbes à un moment donné, et puis ça va. Ça, le jeu, on l'aura derrière l'oreille, quoi, mais vraiment. Hein. Mais ça, c'est. Ça, c'est inadmissible au plus haut point, quoi. Et c'est triste de se dire qu'en gros, on parlera des autres Arlésiennes, je pense, peut-être les final, etc., peut-être plus tard dans notre émission, mais le côté participatif, c'est un truc que je ne comprends pas. Que je ne comprends pas comment les gens peuvent continuer à se faire avoir et encore donner. Enfin, comment réussir à avoir encore la naïveté de donner des sous à des. À un truc où t'as vraiment absolument aucune garantie, quoi. C'est comme acheter un ticket de loto, quoi. C'est pareil. Ah bah t'as envie d'y croire, rien. Hein. Enfin moi c'est ça. Hein. Je veux dire quand tu vois des preuves, bon aussi immatérielles soient-elles, mais quand tu vois qu'il y a de l'avancement et en plus c'est un projet sur lequel tu mises énormément émotionnellement, forcément là tu vas plus sortir ton porte-monnaie. Hein. Ça c'est évident. Mais après voilà, là dans le cas de Shenmue 3, j'avoue que enfin il y a eu tellement de blagues. Enfin même moi tu vois je connais pas la saga Shenmue. Mais je sais que c'est à l'origine de mimes tellement le jeu aurait dû être fait un jour, j'en sais rien, mais voilà, on c'est un peu comme Half-Life 2 ou 3. C'est le 3 qui Le 3, ouais, oui, c'est le 3 qui t'attend plus loin. F3, si tu veux faire un séisme à un E3, tu mets juste un logo d'F3 qui traîne à la conf PC Voilà. et là tout explose, je pense. Les Ouais. compteurs, tout. Il n'y a plus rien qui marche après. Non mais voilà, c'est ça, on revient toujours à cette promesse d'un Eldorado, tu vois, et après voilà, moi je comprends, quand tu as envie de croire à un truc, bah tu as envie que ça marche, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, on fait beaucoup trop souvent appel à ton porte-monnaie, hein. Ça, moi je suis d'accord, c'est pas à nous de donner des garanties à un développeur pour que son projet aboutisse. Ouais, parce que si tu traduis ce que ça veut dire, c'est bonjour, nous allons produire les jeux que vous voulez avec votre pognon. Mais voilà. Ouais. C'est... Oui. Il devrait dire ça. Hein, avec... c'est fou parce que il y a que dans cette industrie que ça marche comme ça. Je veux dire, enfin dans les musiques, ah oui, c'est, ça marche enfin, c'est incroyable quoi. Non, normalement dans tout le reste, c'est tu dois d'abord. Tu dois fidéliser ton consommateur et là c'est l'inverse quoi. Voilà. C'est... Normalement, on te propose un produit fini et tu dois l'acheter ou pas. Enfin, c'est. Mais bon. Voilà. Bon, en tout cas, oui, non, c'est vrai que c'est un sujet intéressant et qui pourrait faire l'objet de. Ouais, d'une discussion plus complète. On va passer à Chapi. Chapi, qu'est-ce que tu souhaites nous proposer, toi ? Alors moi, c'est pas forcément un truc à débat ou à discussion. Hein. C'est juste que la petite découverte du mois, en fait, c'est que j'ai lu le premier tome d'un manga, en fait, qui s'appelle Giganto, hein, c'est comme vous voulez, qui est le dernier seinen du papa de Gantz. Il y a pas mal de gens que je connais qui ont aimé Gantz. Hein. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que ça fait. Surtout qu'en plus, niveau vente au Japon, ça a pas mal scoré. Je crois qu'ils ont fait 35 000 ventes pour la première semaine, qui est plutôt honorable, hein, ce qui peut leur permettre d'être dans le top 20 des mangas le plus vendu sur une semaine. Et bon, en gros, le pitch est assez con. Hein, c'est l'histoire de Rei, qui est un espèce de jeune branleur de père et cinéaste reconnu, etc. Celui qui découpe les gens avec ses doigts, là ? Non, rien à voir. Non, c'est un peu une espèce de petit loser, tu vois, bon, et qui se dit qu'il veut faire un peu comme son père, qu'il veut être un peu cinéaste, qu'il veut faire un peu comme Spielberg, et qui donc veut faire un petit film pour présenter lors d'un festival. Donc, bon, ça se passe pas très bien, il fait un peu de la merde, il se fait un peu vautré par tout le monde, juste au jour où le hasard de la vie fait qu'il rencontre dans la rue son actrice porno préférée. Oh, croustillant, ah, s'appelle... croustillant ouais, ce pitch. C'est génial. Sa préférée. Préférée. Voilà. Ça part bien, ça part bien. Tu vois, il est question de sentiment. Non, mais alors. Ah, bah alors, oui, là, c'est la culotte. Vous allez voir, vous parlez pas à son dire, effectivement, parce que le premier volume est quasiment orienté que sur les relations de Rei et de Papico, donc il s'appelle qui est le nom d'actrice, hein, qui est une actrice métisse puisqu'elle est elle est japonaise et suédoise je crois d'origine. Et donc en fait toute la partie le premier volume en fait ça va vraiment être le travail en fait de rapprochement de ces deux personnages qui vont tomber amoureux. Là vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce merdier, il me présente un shoujo le con. Mais non, rien à voir. Je vous rappelle que c'est du Gantz, donc forcément ça va un peu partir en couille. Le jour où Papico retrouve dans la rue un clodo en slip à moitié mort. voilà. Il s'est fait écraser par une bagnole et donc en gros ce clodo en fait remet à Papico deux objets, enfin un DVD en fait. Au moment où il touche Papico, Papico se retrouve avec un espèce de chronomètre implanté dans le bras. Donc là, c'est la deuxième partie du premier volume. Vous vous dites ah ça y est, ça va partir en couille. Donc effectivement, ce DVD est bizarre parce qu'il contient des milliers d'heures de films dessus, et de films du futur en fait. Okay. Et en même temps en fait de cette histoire-là, Papico se rend compte en fait découvre que la montre en fait espèce de qu'elle a intégrée dans le bras lui permet de se transformer en géant. D'accord. Voilà. D'accord. Et une fois géant, je vous laisserai imaginer la première utilisation. À la fin du scénario. Je vous laisse imaginer la première utilisation. Alors, je sais pas du tout. Moi, je suis trop. Non, c'est pareil, je suis trop naïf. Là, j'ai peur. Voilà. Hein, s'en servira dans un film. Rapidement. Pas le film d'oreille, mais plutôt le film qui lui permet de vivre. Donc, voilà. Si tu veux, et en parallèle. C'est un truc un peu bizarre, il y a un site internet qui se crée qui fait des espèces de stropoles si tu veux, à part que les stropoles sont complètement débiles, genre l'acteur hyper connu va se promener à poil dans la rue ou il tombe de la merde, véridique, hein, c'est vraiment ça. Et en fait apparemment les gens votent et quand le vote atteint un certain stade de truc, la prophétie se réalise réellement. Oh, les Japonais, mais ils ont vraiment des idées, mais des fois tu... Pour un premier volume, c'est quand même assez dense, hein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Je suis quand même... Tu l'as lu en VO, du coup ? Je l'ai lu en VO, oui. Je suis quand même très, très inquiet pour lui, parce que ça a très, très bien marché. Vous savez, d'ailleurs, il a fait un manga qui s'appelle Inuyashiki. Qui est très bien. Voilà, qui est très bien, mais qui a moins marché au Japon, malheureusement. Donc là, il avait un peu la pression. Le manga a l'air intéressant, parce qu'on est vraiment dans les mêmes idées, je pense, que Gantz. Il y a un coup de crayon qui est toujours là, il y a un côté hyper violent, il y a un côté pas mal de relations de société que Oku veut faire passer, hein, parce que pour information, Rei a 16 ans, Papico a 25 ans, donc il y a un problème de relation de débauche avec les jeunes, pose aussi problème. Il y a un côté plus humain, je trouvais, que ce qu'il y avait dans Gantz. Par contre, j'ai clairement peur que ça parte dans tous les sens, hein, et que ce soit un gros bouilli de n'importe quoi, en fait. Ah, ça, ouais, non, c'est déjà, un peu le risque. Le pitch, ouais. Comme tu me le décris, là, c'est marrant. Ça fait pas du tout auteur de Gantz, au final. On dirait plus une histoire de merde, comme un manga de merde, là, que des éditions Ki-Hoon, genre Prophétie ou King Game, tu vois. Alors, donc, ouais, ça fait bizarre. Hein. Le premier volume, pour moi, est un peu compliqué. Autant Gantz, le premier volume, tu vois. Il y a quand même Monsieur Poirot dans le premier volume. Mais après, c'est ça. Là, celui-là est très très bizarre. Il est très axé. Si tu veux, t'as la moitié du manga, la première partie qui est très SF. Je sais pas trop ce qui va se passer. Genre la mer qui tombe, etc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel. T'as cette partie-là où tu te dis, c'est quand même intéressant si je tente cette montre, qu'est-ce que ça va permettre de faire, etc. Et puis l'autre partie où c'est vraiment une relation à l'autre droit. Rei qui tombe amoureux de sa porn star préférée quand même. Ouais, ça fait plus Gantz, tu vois, c'est normal. Ouais. Donc voilà, donc tu te dis, moi en fait, ce que je vais quand même volume, je pense que le truc va complètement partir en cacahuète. Je pense qu'il va y avoir des morts à Tire Larigot. Et donc on va retomber dans le. Mais voilà, le manga en lui-même est pas mal à garder à l'œil, je pense. Si vous aimez, voilà, lisez-le, c'est assez sympa. Si vous voulez être fiché S. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un biais. Il y a un début de radicalisation. Ouais, quoi, ouais. Donc on est dans du pur, effectivement, du pur seinen. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est Big Comic Supérieur qui édite le manga. Et il y en a. Les planches sont en bimensuel. Donc toutes les semaines, un jump qui est toutes les semaines. Ouais, comme. Enfin, c'est oui, c'est comme le. Vu qu'il s'amuse à recrayonner des photos pour ses décors, il met longtemps à dessiner cet auteur. C'est ça, mais bon, techniquement, c'est toujours aussi propre, hein, ça, par contre. Ah oui, c'est sûr que quand tu te bases sur la réalité et que tu as un très bon style photoréaliste, bah, ça fait des belles planches, hein, ça c'est clair. Exactement. Ok, eh ben, écoutez, très bien. Non, mais en tout cas, on se pose des questions, en tout cas. Je me pose des questions. J'irai même mater par curiosité, parce que j'ai du mal à voir comment on fait interagir tout ça. Mais pourquoi pas. Mais le temps nous presse, malheureusement, et on va passer du coup à May. May, de quoi souhaites-tu nous parler aujourd'hui? Moi, je me suis posé une question un peu. On en revient sur le jeu vidéo. Pareil, ça pourrait donner une thématique un peu plus globale. Mais plutôt, en fait, la question de c'est quoi un jeu vidéo réaliste, en gros. Parce que ça m'est venu, en fait, il y a eu un petit shitstorm à propos de la jaquette du Battlefield qui va bientôt partir. Oui. Parce que, oh mon Dieu, voilà, une femme sur la couverture, sur notre jaquette, elle tient un pistolet, mais que fait-elle là? Ce n'est pas réaliste. Je vais devenir une grosse semaine de Twitter. Tout ça, hein, non, c'est absolument pas pour moi. Mais en fait, je me dis pourquoi il se pose la question de qu'est-ce qu'elle fait là, en fait. Mmh. Je vois pas du tout la jaquette. Tu peux répéter le nom du jeu, excuse-moi? C'est le nouveau Battlefield. Ouais, Battlefield 5. En plus, quand tu regardes, moi je la vois, c'est complètement Emily Blunt dans Age of Tomorrow. Elle est tellement bonne. Non mais franchement, de toute façon, tu vois la jaquette, tu vois qu'il y a déjà un style particulier, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois que c'est la, enfin, tu es capable à peu près de donner un petit peu le, comment dire, l'époque, la période. Mais même dans la vidéo, il y a un parti pris, quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable le shitstorm que ça a causé. Enfin, pour ceux qui, pour les gens sains d'esprit qui se tiennent un peu loin des shitstorms sur les réseaux sociaux. Ça a été quand même, voilà. Non, mais elle a rien, la jaquette, je comprends pas. Enfin, je. Ah non, mais il y a une femme. Oui, parce qu'elle est là, c'est juste parce que c'est une meuf, elle est là avec son flingue. Et genre, c'est comment il s'appelle? C'est le mec de Terminator, là, qui version femme, et ça y est, c'est. Enfin... Ah non, parce que voilà. Non, je pense que ça a choqué, en fait, une partie des gros bots de base qui pensent qu'un Battlefield, c'est un jeu d'homme. pour des messieurs musclés, tu vois, qui ont des micro-pénis. Et voilà, et donc une femme, elle a rien à faire là. C'est ce qu'il disait en fait, les mecs. Hein. Oui, ouais, bon, moi, je veux même pas. Je trouve ça tellement con que ça me. Non, mais complètement. Tu vois, mais, tu sais, c'est le truc à se demander. En fait, ça fait partie de l'histoire. Tu sais qu'il y a eu des meufs dans la guerre. Qu'est-ce qu'elles foutaient là? Enfin, moi perso, je m'en rappelle même pas. Parce que dans les fours. Non, mais c'est bon, quoi, les mecs, avec cette thématique féministe, là. Mais enfin, c'est un système qui a rien à faire là, en fait. Tu vois? Non, mais ça, voilà, c'est réaliste. Non, c'est pas possible de qu'il y ait. Enfin, je sais pas. Sachant que qui jouent à ça, c'est vraiment des gros beaufs de toute manière. Donc, alors, de mémoire, je sais pas. C'était quel FIFA? Je crois qu'il y avait FIFA 17 ou FIFA 16. Ou sur la jaquette, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un footballeur et. Parce que c'était pour la Coupe du Monde féminine de foot, etc. Et ah ouais. Il avait dit, on va. Et il y avait exactement le même genre de réflexion. Non, en disant, mais pourquoi il n'y a pas machin? Qu'est-ce qu'elle fout là, cette grosse connasse? On n'en veut pas, quoi. Ah, attends, on va regarder, là, parce que là, ça m'intéresse. Là. Ouais, non, mais c'est... Ouais. Enfin, FIFA... Ça ne m'étonne pas. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est FIFA 16, c'est ça, ouais, FIFA... C'est le 16 où il y avait une photo. Ouais, Ah oui, c'est vrai, en plus, je la connais, cette meuf, là. C'est la superstar du soccer américain, je crois. Américain, je crois, ouais. Hope, je crois, ou quelqu'un comme ça. Ouais, bah, je vais lui mettre son image, en pré-prod, en post-prod. En post-prod. Je vous mettrai l'image de la jaquette. En effet, donc il y a Messi et plus une jolie jeune femme. Mais c'est vrai que ouais, non, mais de toute façon, il y a un vrai problème de toute façon entre les hommes et les femmes dans cette société aujourd'hui. Je pense que voilà, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, de toute façon, il y a une guerre qui est annoncée là. On ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais et en effet, voilà, pour revenir à ta, parce que c'est quand même la problématique du réalisme. Excuse-nous, May, on se barre. Mais tu regardes le trailer du jeu. Je veux dire, tous les jeux vidéo prennent des dispositions avec la réalité, hein, je veux dire, ça ne pose aucun problème à personne, hein, et là, moi j'ai vu le trailer de Battlefield, bah franchement le jeu il fait grave envie, hein, mais genre vraiment quoi, enfin t'as l'impression d'avoir une équipe de casse-cou, genre l'agence touriste, tu vois, et je sais pas, la fille elle est vraiment stylée, hein, elle est vraiment stylée, mais oui en effet, voilà, enfin bon, chacun voit la réalité... comme il veut, mais en tout cas, moi, ça m'a pas empêché de kiffer le trailer. Hein. Mmh. Ah non, c'est ça, complètement. Après, voilà, il n'y a pas que Battlefield, tu vois, il y a plusieurs franchises qui se basent sur un contexte historique, tu vois, pour donner un peu de réalisme à tout ça. Enfin, ils s'en plaignent pas plus que ça. S'il y a des petits anachronismes ou quoi, quand tu regardes, si tu joues un Total War, tu fais tes conquêtes, tu fais tes trucs, tu modifies l'histoire dans le jeu, mais ça n'empêche pas que le jeu reste bien réaliste parce que t'as toutes les différentes factions, enfin tu vois. Bon, mais après pour moi un jeu réaliste, t'as pas besoin de contexte historique pour un jeu réaliste. Tu peux avoir réaliste, je pense que c'est le mauvais terme, en fait c'est le bon terme, mais c'est plus les jeux ils sont rarement réalistes, même ils le sont jamais, mais ils même vraiment moi pour moi ils sont, c'est jamais réaliste un jeu pour de vrai. Par contre il y a des jeux qui sont vraisemblables, c'est à dire que pendant que tu joues, en fait il y a ça t'agresse pas en mode non mais là franchement, enfin genre c'est, ils font pas tous des chorégraphies où ils sortent sur des missiles comme dans Metal Gear Rising, tu vois, et où tu sens que là on se torche un peu avec la gravité, ben, Newton et compagnie, quoi. Il y a pas là, mais il y a pour moi aucun jeu, même des jeux qui se disent réalistes et tout, il y en a aucun en fait qui le sont, quoi. Un truc tout con, tu prends un exemple d'un shooter, il n'y a aucun shooter où t'es obligé de compter le nombre de balles que t'as dans tes chargeurs pour pouvoir recharger ton arme, quoi. T'appuies sur R ou sur ta gâchette et puis le mec il va éjecter le chargeur vide qui va jeter par terre un nombre indéfini, un infini, quoi, tant qu'il te reste des balles pour recharger ton chargeur. Plein de trucs comme ça, c'est pas réaliste, mais ça va pas te gêner, ça va pas te gêner dans l'action. Par contre, tu prends Call of Duty dans plein de scènes, même pourtant c'est une série qui est devenue un petit peu what the fuck, mais tu prends les Modern Warfare, les premiers, c'est des trucs qui sont tout à fait vraisemblables, quoi. C'est de la guerre de rue dans des favelas, des machins, enfin tu sens très bien que c'est, tu t'imaginerais la même situation en vrai, tu te dis ouais, ça pourrait ressembler à ça, quoi. Mais c'est juste que tu crois à ce que le jeu te montre. C'est pas, c'est réaliste, c'est réaliste à proprement parler, quoi. Donc pour moi, en fait, enfin ouais, pour répondre à ta question, pour moi, ça n'existe pas un jeu réaliste. Mm-hmm. Ouais. Moi après, moi personnellement, pour moi, un jeu réaliste, c'est plutôt un jeu qui va pas, enfin, il peut se prendre un contexte historique s'il veut pour se donner une base, pour donner plaisir, envie aux joueurs, tu vois, de s'intéresser, de se mettre dans un dans un mode de dire voilà, je suis à fond dedans. Mais c'est mm-hmm. plus quand tu vois commencer maintenant de nos jours, enfin tu vois, on parlait avant, maintenant c'est des trucs, c'est avec la motion capture, comment c'est fait, la 3D maintenant, tu vois, c'est là t'as l'impression que t'as vraiment un vrai visage, on va dire, de toi, tu vois. C'est plus un truc qui va se refléter par rapport à ce que tu peux voir tous les jours dans ta vie, que tu vas voir dans ton jeu, tu fais waouh, c'est vachement bien fait. Genre tu prends les jeux de voiture maintenant, t'as les reflets sur la carrosserie, c'est des trucs qui, avant t'aurais pas eu ça, quoi. Ouais, maintenant c'est vraiment ouf. Non, c'est sûr, mais c'est clair que si tu parles en termes purement techniques, c'est sûr qu'on a atteint un réalisme visuel assez fort. Mais après, tu prends un jeu qui est très beau, qui est très beau et très très fin en termes de graphisme. Tu prends le dernier God of War, c'est pas un jeu réaliste du tout. Pourtant, graphiquement, en termes de motion capture, d'effets de particules, ouais, d'effets de lumière, etc. C'est un truc, c'est super beau, quoi. Et t'as des panoramas qui sont très proches d'une carte postale, quoi. Mais pour moi, le jeu est pas pour autant réaliste, quoi. C'est hyper subjectif, en fait, quand tu veux parler de réalisme dans un jeu, tu vois, ça prend tellement de paramètres en compte qu'il y a une personne qui va penser quelque chose. Tu peux pas dire que c'est ça, un jeu réaliste, en fait. Je suis d'accord, c'est un bon sujet pour le coup. C'est vrai que c'est vrai que je voyais pas ça. Mais c'est vrai qu'il y en a être réaliste, du coup, c'est ne pas avoir la nana sur la jaquette, quoi. Donc c'est, tu vois, on a un spectre, il est propre, tu vois, il est. Ça se bat pas. Ouais. Bon, voilà, du coup, je vais finir juste par moi parce qu'il nous reste 4 minutes. Et je voulais quand même pousser un petit coup de gueule vite fait contre le studio Hi-Rez qui a sorti le jeu Paladin là et qui ouais non mais là, j'étais obligé de parler de ça, hein. Franchement là je peux pas puisque c'est trou de balle. Maintenant on un nouveau produit là qui est sorti en alpha et qui s'appelle Realm Royal. Donc si on résume vite fait Paladin, donc c'est un jeu qui est sorti en bêta en 2016, si je ne m'abuse, qui avait voilà, reçu des notes somme toute correctes. Sauf que ce que les gens qui n'ont pas suivi le jeu n'avaient pas vu, c'est que les développeurs ont remanié énormément de fois le concept du jeu, la taille des maps, la façon de se déplacer dans les maps. Enfin bref, ils sont passés un peu par toutes les étapes, et c'est pour ça qu'il y a eu plus de 2 ans de mode bêta du jeu. Pour ceux qui ont pas suivi les patchs, il y a eu plus de 70 patchs du jeu en open beta, hein, pour vous montrer un peu à quel point le jeu ça s'est passé par tout et n'importe quoi. Et là, donc voilà, ils l'ont sorti 2 ans après d'open beta, sachant que plus personne ne parlait du jeu, hein, bien évidemment, puisque on connaît la durée de vie, surtout d'un jeu qui était l'équivalent d'Overwatch, donc voilà, se battre sur le terrain d'Overwatch, déjà c'était pas une bonne idée, mais en plus avec une sortie delay de 2 ans, c'est sûr que ça pouvait pas marcher. Et donc là, ces trous de balle, et ben vu que maintenant leur jeu est sorti, et ben ils sont partis sur un Battle Royale, hein, comme ça, évidemment on veut, bah oui ça marche, ben, évidemment on veut faire du pognon. Alors après, je leur en veux pas de faire du pognon, hein, qu'on soit d'accord, mais ça, leur façon de faire m'énerve tellement, mais tellement. Enfin, je veux dire, Fortnite, ça a été, j'aurais pu dire exactement la même de Fortnite, hein, parce que Fortnite, à la base, c'était quand même le jeu de construction. Tout le monde s'en battait les reins, mais quand même d'une force assez incroyable. Hein. Le jeu était certes sympathique, mais alors une fois qu'il y a eu le mode Battle Royale, ça y est, c'était le Messi. Là, je suis allé regarder aujourd'hui sur Twitch. Ça y est, c'est plus League of Legends le premier, hein. C'est Fortnite maintenant, hein, qui est. Ah oui, de ça, c'est un petit moment. Mais moi, je savais pas, tu vois, je suis un jeune innocent, quoi. Donc, du coup. ça a dû te faire mal, hein. Je suis désolé. Mais... Non, pour assez, que ce soit League of Legends ou Fortnite, malheureusement. Enfin, bon, voilà, je veux pas non plus faire le puriste, mais c'est des jeux qui m'intéressent pas du tout. Après, Vince, Hi-Rez, j'ai l'impression qu'ils sont un peu coutumés du fait, parce que pour info, il y avait LOL, Hi-Rez a sorti Smite. Ah oui, il y avait Overwatch, Hi-Rez a sorti Paladin. Du coup, il y a PUBG Ah mais et c'est ça, Fortnite, c'est mais du coup, voilà. ils sortent leur jeu, quoi. Les mecs C'est juste la boîte. Bah, c'est la boîte qui a toujours du retard, quoi. Voilà, c'est ça. C'est juste une boîte qui est tout le temps en retard, en fait. Ouais, Sort des joueurs en retard. il y a que Smite, je pense que tu. Enfin, c'est un MOBA, certes, mais je pense que Ouais, Smite, c'était différent de LoL. vu On est comment, d'accord. il est sorti, déjà, c'était pas une copie, et il survit toujours. Enfin, il coexiste toujours, même si Oui, il oui. n'a pas une base de joueurs extraordinaire, il survit toujours avec League of Legends. Donc, Oui, il survit. Mais bon, voilà, cette habitude de systématiquement diriger son jeu vers ce qui marche le plus en ce moment. Je sais que c'est voilà, on est toujours dans une logique capitaliste où on essaie de faire le maximum avec le minimum. Mais moi, j'en ai vraiment ras le cul, surtout voilà, le principe des 70 patchs durant le jeu. Enfin, je sais pas, moi, j'ai joué à Paladin dans des états où, par exemple, il y avait la sortie de Maeve. Ceux qui ont joué au jeu donc connaissent le personnage. Quand elle est sortie, Maeve, c'était. Enfin, Maeve, c'était mais Genji sous stéroïde, quoi. Enfin, je veux dire, le perso, il était hyper plaisant à jouer. Et voilà, après, elle s'est fait nerfer, évidemment, parce qu'elle était trop puissante. Mais c'est pareil, enfin, pour ceux qui ont suivi un peu la construction du jeu, mais les maps ont énormément changé. Elles sont vachement raccourcies, ou certaines ont même complètement changé d'architecture. Le principe des montures aussi. Le principe des cartes aussi. Tout le monde a gueulé sur ce principe des cartes parce que c'est là où vraiment le jeu est devenu pay to win. Enfin c'est voilà, quand tu fais intervenir Magic dans un jeu de FPS, bah voilà, si t'as pas les bonnes cartes, t'es baisé, tout simplement. Hein. Donc voilà, mais c'est Suffit d'avoir de l'argent, Vincent, tu t'arrêtes vraiment des détails. oui, non, C'est mais un c'est tout sujet ça. tabou entre Chappie et moi, les cartes magiques, donc on n'ira Ouais, pas sur ce voilà. terrain. C'est On ça. n'ira jamais sur ce terrain. Non mais bon Bah. voilà, moi ça me fait chier, tu vois, par exemple, parce que il y a un jeu que j'aimais beaucoup qui s'appelait Battleborn, bon je sais que tout le monde va rigoler, voilà. Mais Battleborn, c'était pareil, c'était un Overwatch qui est sorti à peu près en même temps. c'était pas Overwatch, enfin c'était un MOBA quoi, du coup, avec des vrais lanes, voilà, D'accord, c'était pas en vue de première personne du coup. Si si, mais c'était un Ah d'accord. HOTS, mais en vue de la première D'accord, personne, d'accord, quoi. d'accord. Non, je pensais que c'était un shooter du coup. Non, c'était pas Autant un pour team moi. contre team pur et dur, quoi. Vous avez les lanes, tout ça, et moi j'adorais ce jeu, et voilà, du coup il se fait déglinguer parce qu'il est sorti en même temps qu'Overwatch. Et les gars, bah voilà, après ils ont pas changé l'optique de leur jeu, donc forcément le jeu est décédé, mais moi ça me fait chier que voilà, un jeu comme Paladin continue à vivre alors que Battleborn était vachement bien. Mais bon voilà, après ça c'est subjectif, hein, vous allez me dire, ça n'a aucun fondement ce que tu dis, mais oui, mais c'est mon sujet en même temps, voilà. Quelque part, je t'emmerde, Voilà, faux, nul, zéro. Allez, voilà, donc c'était mon coup de gueule. En tout cas, bon, on verra comment le jeu va évoluer. Realm Royale, là, pour l'instant, ceux qui y jouent n'ont pas l'air ambiancés plus que ça par rapport à PUBG ou Fortnite. Mais bon, de toute façon, dans le monde du Battle Royale, on attend toujours un jeu qui est finalisé, hein. On verra ça quand ça arrivera. En tout cas, voilà, eh ben, nous avons fait le tour de nos thématiques, voilà, de l'émotion, je dirais, du troll, de la répartie. En tout cas, merci d'avoir participé, mes chers amis. Est-ce que vous avez un mot à dire avant qu'on s'arrête là? Bah moi je dirais à très vite. Ben oui, voilà, c'est possible. Alors, quelques mots, ouais, pour la fin de ce premier épisode. Donc, c'est un pilote, hein, comme on vous le disait en début de podcast. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis. On va mettre donc la vidéo sur YouTube avec une petite post-production pour que vous voyez de quoi on parlait pendant les conversations. Je sais pas aussi où on va le mettre, sur un cloud ou un truc comme ça. On va essayer de faire ça bien. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire des retours, c'est important. Si jamais que ce soit au niveau technique ou au niveau du contenu, vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice et nous faire un retour, bah, nous on le prend en compte et ça nous aidera forcément pour la suite. En tout cas, bah, je peux dire qu'au nom de tout le monde, on a pris beaucoup de plaisir à tourner Ah, ça c'est sûr. ce podcast. Ça rappelle les années live, ça fait plaisir. On C'est se ça. retrouve on se retrouve 7 ans. Tout ça grâce au micro de mail d'ailleurs, mais après. Ah, Je veux ta mère, Ah, là. bah, Merde, crotte de nez comme ça, mais Voilà. Non, ouais, on se retrouve 7 ans en arrière, c'est marrant. Voilà, en tout cas, on compte sur vous pour faire des retours et partager aussi, hein, évidemment, pour qu'on ait le maximum d'avis et d'auditeurs possible. C'est le but du jeu. En tout cas, donc, on se retrouve si les étoiles s'alignent, le premier du mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous, salut. Ciao, ciao. Ciao. Salut.